Yeah, James Bond, Metal Steel, DRL, mis au point, check, à nos âmes perdues. C'est le son des âmes perdues pour tous ceux qui ont perdu des proches. Les jeunes qui la verdure et roulaient à dos dans une planche. Pourtant tu peux me croire, pourtant tu peux nous croire. En jouant avec la vie, c'est bien la mort qui s'approche. C'est le son des âmes perdues pour tous ceux qui ont perdu des proches. Les jeunes qui la verdure et roulaient à dos dans une planche. Pourtant tu peux me croire, pourtant tu peux nous croire. En jouant avec la vie, c'est bien la mort qui s'approche. C'est le son des âmes perdues. Maman pleure car elle est déçue, son fils part en 7 dessus. Elle gagne que dalle dans ses revenus. Elle veut éviter le pire, ne pas montrer qu'elle est trop mal. Elle pense trop au suicide pendant que son fils fait de l'argent sale. Toute seule dans son appart, les flaques de larmes remplissent le sol. Même Chétan, il veut qu'elle parte et puis bientôt ça pisse le sang. Le drame arrive enfin, elle supporte plus toute cette pression. Son histoire était sans fin, puis elle décède sous dépression. Son fils rentre chez lui et voit sa mère gisant par terre. Pris panique, le jeune s'enfuit, ne sachant pas vraiment quoi faire. Sa peur le paralyse et sa fierté est bien trop grande. Il cache le corps dans une valise qui fut ensuite réduit en cendres. Il passe sa vie dans le dégoût, n'éprouvant aucun bonheur. Il décide de couper tout à 25 piges, il se donne la mort. Yeah, okay. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où. DAM, Pédastine. C'est le son des âmes perdues pour tous ceux qui ont perdu des proches. Les jeunes qui la verdure et roulaient à dos dans une Porsche. Pourtant tu peux me croire, pourtant tu peux nous croire. En jouant avec la vie, c'est bien la mort qui s'approche. C'est le son des âmes perdues pour tous ceux qui ont perdu des proches. Les jeunes qui la verdure et roulaient à dos dans une Porsche. Pourtant tu peux me croire, pourtant tu peux nous croire. En jouant avec la vie, c'est bien la mort qui s'approche. C'est l'histoire d'une daronne qui commence à déprimer. Son gosse muet ne sachant plus comment s'exprimer. Il tombe dans l'illicite, le shit, l'alcool et la fumée. AK-47, basto, ce casseau sait que tirer. Il veut être le boss de la ville et pense pas à sa famille. Préfère bibi des substances illégales aux originaires de la Colombie. Bref, la maman pète les plombs désespérée de son fils dont perd la raison et saute du pont. On la retrouve noyée, pour le gamin un vrai cauchemar. Il décide de la rejoindre et saute aussi un peu plus tard. Il met en l'air toute une famille, bref, la vraie pagaille ce soir c'est autour du daron de se jeter dans les rails. Dams, mais t'as style.